Radio Haïti, Haïti Inter. 1330 AM sur Haïti tout entière. Information, débat, variété, idées. Professionnalisme, créativité. Radio Haïti, 1330 AM. Sur Haïti tout entière. Parole la droite et gauche, parole la tête en bas, parole la devant derrière. Ak Radio Haïti, parole la clé. Amis auditeurs tout partout en Haïti avec à l'étranger, bonsoir. C'est un plaisir pour rejoindre nous et l'émission Parole la Palais. Moi espérer semaine n'a pas trop mal pour même là nous connaissons globalement conditions pays nous difficile en pile. Comme moi te dis, c'est émission Parole la Palais qui entre la caillou. N'a pas petit pause, n'a pas tourné tout à l'heure. Yo humilié ka paye Si pa gen l'ajan, jij la pou tout coup de pied Justice pa pou bien fait C'est pour mon qui a payé Si pas que l'argent J'ai la foutre au coup de pied Justice pas pour bien faire Zami auditeurs, yon l'autre fois, un gros bonsoir pour nous tous. Je nous te promets tout ça dans l'émission Jodia. N'a diffusé pour déposition ambassadeur Colin Granderson fait jeudi 19 octobre là devant tribunal capitaine des affaires massacre à Botoa ancien directeur exécutif mission civile internationale OEA ONU pendant environ 2 heures de temps te dit tribunal là salité vive et tendé dans massacre à Botoa ak photo pour appuyer salité dit yo monsieur Granderson pat ménager dit ça la vérité pour lui dans événement ça déclaration ambassadeur Colin Granderson là Pas en faveur du tout, nous sommes capables de dire 22 personnes qui sont souvent accusées. Même les précisés, ce tribunal là cap gain pour décider qui est qui coupable dans le massacre à Botoa. M. Colin Granderson, j'ai noté ce doula, il n'a pas parlé même en faveur 22 accusés. N'a pas rappelé, pendant le coup d'État 91-94, Miss Civi, qui est mission internationale OEA ONU, c'est une quelques grandes organisations de droits qui sont capables d'aller constater souterrain. Avec en pile difficulté, bien sûr, diverses actes répression, maspinage, anciens militaires attachés, m'en frappent et qu'on commet à travers le pays. M'invite à écouter déposition en déclaration ambassadeur Colin Granderson, t'es fait devant le tribunal là, janté de la 19 octobre qui s'est passé. Malheureusement, m'espère, excusez-nous, déposition ça t'es fait en langue française. Merci, monsieur le doyen. La MICIVI, à l'époque d'avril 1994, n'avait pas une présence permanente sur le terrain à Gonaïve. Tous les observateurs de la mission se trouvaient à Port-au-Prince. Quand nous avons eu les premières informations de ce qui s'était passé à Raboto le 22 avril, nous avons essayé d'abord de vérifier le bien fondé de ces informations et pour le faire, Nous avons envoyé sur place des équipes de la mission civile. Faisaient partie de ces équipes des observateurs qui, en 1993, faisaient partie de l'équipe de la mission ici à Gonaïve. Donc, il s'agissait de personnes qui connaissaient Gonaïve, qui connaissaient les acteurs, qui connaissaient par exemple les responsables militaires, les responsables également, bien sûr, des religieux, des responsables des organisations populaires, ainsi de suite. Donc des gens qui n'étaient pas tout à fait des étrangers. En plus, c'était des observateurs qui parlaient couramment le créole. La première équipe s'était rendue sur place le 27 et le 28 avril. Elle a fait ce que nos équipes faisons d'habitude, c'est qu'on essaye d'abord de prendre contact avec les victimes ou avec les proches des victimes pour entendre ce qu'ils ont à dire. Avec ces informations, on essaye bien sûr de trouver également des témoins oculaires. En restant donc dans la ville pendant cette première visite, on a pu prendre le contact avec un certain nombre de témoins. Nous avons pu rencontrer également les responsables militaires sur la place à Gonaïve. Malgré les difficultés, parce que depuis 1994, la mission avait beaucoup de difficultés dans ses contacts avec les militaires, que ce soit au niveau régional ou que ce soit au niveau national, par exemple avec le haut commandement. Malgré cela, nous avons pu donc prendre contact, par exemple, avec le colonel Grosom et également avec le capitaine Castra. Donc, nous avons pu avoir, si vous voulez, des informations de part et d'autre. De la part des victimes, de la part des proches des victimes, de la part des témoins, mais également de l'autre côté, si vous voulez, de la barrière, de la part également des militaires. Ce que les militaires nous avaient dit, c'était qu'il y avait eu une attaque contre l'avant-poste. Et donc, ils avaient riposté à cette attaque. Alors, nous sommes allés voir, bien sûr, l'avant-poste pour essayer de nous faire une idée. Est-ce qu'il y a eu une attaque? Et nous avons été frappés par le fait que d'abord, s'il y a eu attaque, il n'y avait pas d'impact de balle. Deuxième chose, nous avons été frappés également par le fait que ce n'était pas la première fois que les militaires nous avaient dit qu'ils étaient en train de répondre à une attaque d'un groupe subversif. On l'avait déjà entendu, par exemple, dans le département du Sud, où les militaires avaient dit qu'il y avait un groupe subversif qui avait attaqué des gens, qui avait attaqué les militaires dans la zone de Chantal et Le Prêtre. La zone de Chantal, Le Prêtre, n'est-ce pas, à la fin du mois de février 1994, dans le département du Sud. Nous avons entendu également la même chose quand, par exemple, à Port-au-Prince, quatre personnes, dont M. Jacques Dorcian, qui deviendrait par la suite le ministre des Travaux publics, il a été arrêté pour apparemment des contacts subversifs et parce qu'il avait des armes. On avait entendu la même chose également en ce qui concerne le Boigne, où il y avait eu une attaque en règle avec des victimes dans la zone de Boigne, Petit Bourg de Boigne, Bois Caïman, ainsi de suite. Et on avait entendu ailleurs. Donc, ce qui, comme je dis, était frappant pour nous, était le fait que chaque fois que la mission avait fait des enquêtes sur place, on n'a jamais pu, justement, trouver des informations pour supporter, pour étayer la version donnée par les militaires. De l'autre côté, donc, il y avait les informations que nous avons pu avoir de la part des victimes, les proches des victimes, des témoins, et également d'autres personnalités et d'autres personnes de la ville de Gonaïves. Pour nous, ce qui était également très important, quand je parle de ces informations, c'était la déclaration qui a été faite par Monseigneur Constant, qui était très critique à l'égard, n'est-ce pas, de ce qui s'était passé à Gonaïves le 22 avril, avec la mort d'hommes et de femmes, la mort des personnes innocentes, des pêcheurs par exemple, de commerçants, ainsi de suite. Je crois que tout cela est très important. Donc, la missivie, à travers cette première visite, à travers d'autres visites que nous avons pu faire plus tard, je crois qu'en tout, nous avons fait 8 visites à Gonaïves pendant près de, je dirais, 2 ou 3 mois pour essayer de nous faire une idée de ce qui s'était passé. Nous avons appris que le 18 avril, il y avait eu un premier incident. Et d'après les informations, c'était un coup monté. On avait posé des barricades enflammées, mais ces barricades n'ont pas été posées par les personnes qui les posent habituellement, c'est-à-dire par les membres des organisations populaires ou les membres des organisations de quartier. D'après les informations, ceci a été posé par des attachés et par des membres des forces paramilitaires. Une fois donc posée cette barricade, il y a eu la riposte des militaires. Il y a eu donc une descente sur place avec ce qui arrivait très souvent, bastonnades, arrestations illégales, crasés brisés, cahiers mouniaux, ainsi de suite. Pour nous, d'après ces informations également, c'était un effort pour mettre la main sur certains hommes clés, n'est-ce pas, du quartier de Raboto. Et quand je parle de certains hommes clés, je pense en particulier à Amio Métaillé, qui était un des leaders, n'est-ce pas, de cette époque. Quelqu'un qui d'ailleurs la mission connaissait très bien, parce que nous savons qu'à plusieurs reprises, en 93 et également en 94, les militaires avaient essayé de mettre la main sur M. Métaillé. Parfois pour le faire, comme ils faisaient ailleurs, ils mettaient la main sur le père, ou sur le frère, ou sur la sœur, pour essayer d'appâter ou de faire sortir, n'est-ce pas, la personne qui voulait arrêter. Les choses, apparemment, s'étaient passées de cette façon-ci, ici, à Raboto. Donc, comme je dis, premier incident, le 18. Mais ils n'ont pas pu mettre la main sur Moussa Métaillé et sur d'autres leaders qu'apparemment, ils étaient en train de rechercher. Donc, les militaires, comme souvent, n'est-ce pas, ils tirent les leçons de leurs expériences. Ils savaient très bien que quand il y avait des descentes à Raboto, parce que le 18 n'était pas la première descente, ils savaient très bien que les gens de Raboto pour s'enfuir, pour se sauver, n'est-ce pas, ils se mettaient très souvent dans les bateaux qui se trouvaient sur les rivages qui étaient proches. Il y avait même une expression dont ils se servaient que la mer et les bateaux, c'était l'ambassade, n'est-ce pas, des gens du quartier. Quand les militaires venaient, alors ils prenaient refuge dans les bateaux et les militaires ne pouvaient pas mettre la main dessus. En reconstituant les informations donc du 22, il était clair que les militaires avaient bien organisé leurs affaires. Pas simplement qu'ils avaient bouclé, ils avaient mis des hommes autour du quartier, mais ils avaient également des hommes sur les rivages et dans des bateaux. Donc quand l'attaque a commencé de bonne heure le matin, d'après nos informations vers les 5 heures du matin, les personnes qui ont essayé de s'enfuir vers le rivage sont tombées sur des militaires qui étaient postés là, n'est-ce pas, pour les avoir. On a tiré sur ces personnes, donc certaines personnes ont été tuées. D'autres ont pu gagner des bateaux. On a tiré sur les bateaux. Certaines personnes, d'après nos informations, dans les bateaux, ont été tuées. Mais comme il arrive souvent, et je suppose les vendredis à cette époque, il y avait des marchands qui venaient d'ailleurs. Il y avait des marchands, par exemple, de charbon, si je ne me trompe pas, qui venaient de Bombardopolis. Le matin de bonne heure, il y a les pêcheurs également qui font leur métier et qui se déplacent, n'est-ce pas, pour aller à la pêche ou pour revenir avec ce qu'ils ont pu donc attraper. Donc, parmi les personnes qui ont été tuées, il y avait des gens qui habitaient la zone, qui ont essayé de s'échapper, mais il y avait également d'autres personnes, d'après nos informations, qui sont venues d'ailleurs. Ce qui était également, je crois, très important, était le fait que on a tiré sur les gens, on en a tué. La mission n'a jamais été à même de dire avec certitude combien de personnes ont été tuées, mais il était clair qu'il y avait quand même un nombre assez grand. Il y avait également le fait que le 22 également, on a arrêté des gens, on a saccagé des maisons, on a maltraité, on a humilié des hommes, des femmes et des enfants. La MICIVI, en faisant son enquête, elle a bien écouté les informations, mais ce n'est pas notre habitude de simplement écouter et de répercuter ces informations. On essaie, n'est-ce pas, de trouver le bien fondé de ce qu'on nous dit. Alors, on nous avait dit qu'il y avait des cadavres qui ont été enterrés sur les rivages. Alors, on a demandé, est-ce qu'il y avait des personnes qui pouvaient nous montrer, n'est-ce pas, où se trouvaient ces cadavres qui ont été enterrés. On nous a dit également qu'il y a des personnes dans les bateaux, quand on avait tiré sur ces personnes, les corps sont tombés à la mer, il y en a certains corps qui ont été bien sûr emportés, d'autres qui ont été ramenés au rivage, et que les militaires ont empêché les membres des familles, n'est-ce pas, d'aller prendre ces corps pour les donner des funérailles, n'est-ce pas, comme les funérailles qui sont si importantes en Haïti, n'est-ce pas, quand quelqu'un meurt. Donc, des cadavres qui ont été mis en terre, n'est-ce pas, à la sauvette, n'est-ce pas, en dehors de la présence des membres de la famille. Comme je dis, pour nous, c'est très important de vérifier le bien fondé de ce qu'on nous dit. Alors, on a demandé d'aller sur place afin de pouvoir voir, n'est-ce pas, de nos yeux, ce dont on nous parlait. Et oui, nous avons trouvé, par exemple, et comme je dis, c'était déjà quelques jours plus tard, le 27, on a trouvé un cadavre. J'ai ici des photos, monsieur le doyen, je ne sais pas si je peux vous donner cela, n'est-ce pas? Ce sont des photos qui ont été prises par la MICIVI, n'est-ce pas, lors de ses visites, justement, à Raboto. Ici, par exemple, vous avez la photo d'un des cadavres qui se trouvait sur le rivage. N'est-ce pas? Je laisse aux experts de vous dire de quoi il s'agit, mais l'homme est mort. Ça, c'est clair. Nous avons également des photos des maisons qui ont été saccagées, n'est-ce pas, lors de cette descente. N'est-ce pas? Je vais vous laisser ces informations. On nous avait dit également, comme je dis, qu'il y avait des corps, des cadavres qui ont été enterrés sur le rivage. Et on nous avait expliqué que certains de ces cadavres pouvaient sortir de la mer. On avait mis des cordes dessus pour les tirer vers le rivage et puis pour les mettre en terre. Ici, vous avez deux photos, n'est-ce pas, de ce fossé où on a trouvé un cadavre avec la corde qui sort, n'est-ce pas, du trou. Ah donc, pour nous, comme je dis, et je répète, vérifier le bien fondé des informations qu'on nous donne, c'est extrêmement important. Et pour plusieurs raisons. Parce que nous avons toujours dit que nous, nous sommes des civils, nous sommes des observateurs des droits de l'homme. Pour être crédible, si on dit quelque chose publiquement, il faut que nous ayons les informations pour ne pas nous tromper. Nous sommes humains, on peut se tromper. N'est-ce pas? Mais nous faisons un effort énorme, n'est-ce pas, pour, comme je dis, vérifier le bien fondé des informations. Il est clair, d'après ces photos, il est clair, d'après ce qu'on a vu, qu'il y a eu mort d'hommes. Comme je dis, nous ne sommes pas à même de vous dire combien de personnes ont été tuées. Dans nos informations, nous, qui ont été rendues publiques, nous avons dit qu'il devait y avoir au moins 8 à 10 personnes qui ont été tuées. Je crois que, n'est-ce pas, c'est... au ministère public, bien sûr, de vous donner davantage d'informations, parce que nous sommes des droits de l'homme, n'est-ce pas? On fait une enquête droits de l'homme, on ne fait pas une enquête policière. Mais je crois que ce qui est également très important pour nous, c'était que nous avons rendu public ces informations, nous avons sorti un communiqué de presse. Comme d'habitude, on ne sort pas un communiqué de presse tout de suite, parce que au commencement du travail de la mission, ce que nous essayons de faire, c'était que quand on avait des informations très graves sur des abus des droits de l'homme, et comme vous savez, n'est-ce pas, le mandat de la MCV était extrêmement simple. De veiller à ce que les droits de l'homme, qui sont inscrits dans la Constitution haïtienne, soient respectés par les autorités. De veiller à ce que les traités internationaux qui portent sur les droits de l'homme ratifié par Haïti, soit respecté par les autorités haïtiennes. Et on nous a demandé spécialement de faire attention au droit à la vie, au droit à l'intégrité physique, aux libertés fondamentales, liberté, n'est-ce pas, d'association, liberté d'expression, ainsi de suite. Nous savions par le passé, par exemple en 1993, quand la MCV était sur place à Gonaïve, que chaque fois que du côté des organisations populaires qui étaient perçues comme étant proches, n'est-ce pas, du gouvernement constitutionnel et du président de l'époque, M. Aristide, les militaires intervenaient. Et ce qui était frappant, c'était que Gonaïve était le seul endroit pour nous de la MCV. La MCV avait commencé à travailler le 11 février, je ne vais pas me tromper de quelques heures, mais le 11 février 1993, nous avions, n'est-ce pas, une présence dans tous les 9 départements du pays. À une certaine époque, en 1993, nous avions 13 bureaux dans le pays. Gonaïve était le seul endroit où les organisations populaires avaient le courage et l'organisation de faire des manifestations publiques. On ne le faisait pas à Cap-Haïtien. On ne le faisait pas à Jérémie. N'est-ce pas? On ne le faisait pas non plus à Port-au-Prince. Mais ici, à Gonaïve, on le faisait. Et après l'arrivée de la MCV en mars 1993, il y a eu les premières tentatives, justement, de pouvoir s'exprimer, ce que permet la Constitution haïtienne. Et les militaires intervenaient tout de suite. Ils écrasaient ça tout de suite. Souvent, n'est-ce pas, on informait au préalable, les organisations nous informaient qu'ils avaient l'intention d'aller, n'est-ce pas, faire une manifestation. On était sur place et les militaires venaient devant nous et ils frappaient les gens. Frappaient les gens. Ils les ramassaient. C'était pour dire que la MCV, n'est-ce pas, vous ne comptez pas, vous êtes là, mais vous ne servez à rien. Bon, nous étions des observateurs des droits de l'homme, n'est-ce pas, des civils. Et avec ces informations qu'on était en train de collecter partout dans le pays, on transmettait ces informations, n'est-ce pas, à tous les niveaux des autorités militaires. Quand il y avait un problème, par exemple, qui se posait ici à Gonaïve, par exemple, quelqu'un a été arrêté de façon illégale ou arbitraire, comme il se passait très souvent à cette époque, on allait voir les responsables pour dire, écoutez, vous avez telle personne qui se trouve en détention, n'est-ce pas? Il n'y a pas de raison pour cela. Ou vous n'avez pas respecté, n'est-ce pas, ce que demande la Constitution sur les règles, par exemple, des 48 heures. On faisait des représentations pour le faire relâcher. Quand les personnes étaient battues, et les bastonnades étaient de règles, les tortures étaient de règles, le jack, des choses comme ça, on faisait la même chose, on allait voir les responsables pour dire « voici ce que vous avez fait à telle personne ». N'est-ce pas, cela est inacceptable, c'est contre la Constitution, c'est contre la règle, c'est contre les traités internationaux. Il ne faut pas traiter les hommes comme ça. Quand c'était très grave, n'est-ce pas, on commençait au niveau, bien sûr, des responsables, n'est-ce pas, des gardes. Puis on montait l'échelon, et quand vraiment il y avait quelque chose d'une gravité énorme, nous allions voir le haut commandement, n'est-ce pas, des forces armées d'Haïti. Moi-même, en tant que chef de mission, j'ai fixé des rendez-vous avec le haut commandement, n'est-ce pas, des forces armées d'Haïti. J'allais les voir et je leur donnais ces informations, oralement et également à travers des aides-mémoires très détaillées de ce qui se passait. Parce que nous disions, monsieur le commandant en chef, vos hommes sont en train, n'est-ce pas, d'enfreindre la loi. N'est-ce pas? Vos hommes sont en train de battre des gens. Vos hommes sont en train de torturer des gens, de maltraiter des gens. Vos hommes sont en train d'arrêter des gens, n'est-ce pas, de façon illégale et arbitraire. Vos hommes sont en train de tuer des personnes, parce qu'il y avait des exécutions sommaires. Il y avait des personnes qui avaient disparu également. On portait ces informations. Et on demandait justement à ce qu'ils prennent les mesures, n'est-ce pas, pour empêcher que ces choses arrivent. On leur demandait également de nous dire, n'est-ce pas, quelles mesures ils allaient prendre. Est-ce qu'ils allaient, par exemple, prendre des mesures disciplinaires contre telle personne, tel soldat, tel policier, ainsi de suite, dont on avait donné, sur lesquels on avait donné des informations. Et la réponse des militaires était très simple. Ils se servaient d'une expression française que l'armée, c'était la grande muette. N'est-ce pas? La grande muette. L'armée ne disait pas, n'est-ce pas, ce qu'elle faisait. Nous savons, par exemple, à Bombardopolis, après le 29 mars 1993, il y avait eu des manifestations parce que c'était l'anniversaire de l'adoption de la Constitution de 1987. Et dans toute la zone, n'est-ce pas, des centres de militaires crasés, brisés, Maspinen, toute bagaille, ainsi de suite. Alors, on avait passé ces informations, et puis on nous a dit, nous allons faire quelque chose. Bon, ce que nous savons dans ce cas, il n'y a pas eu beaucoup de cas comme ça, c'était qu'un des responsables de la zone a été transféré. Mais nous avons toujours dit aux militaires, si vous transférez les hommes qui sont responsables des mauvais traitements, vous ne faites que porter le problème d'ici pour le mettre ailleurs. N'est-ce pas? Si vous ne faites pas un exemple de ces responsables, on va continuer à le faire, ce qui a été le cas. Donc je reviens à Raboto, comme je dis. Donc nous avons essayé de faire ce que nous avons pu. Comme je dis, nous avons pris contact avec les responsables militaires. Et une chose fort intéressante, lors de notre rencontre, ce jour en particulier, la date exacte, je ne me souviens pas, c'est peut-être le 28 ou le 29 avril, je ne me souviens plus. Lors de cette visite, le colonel Valmont, qui faisait partie du haut commandement, n'est-ce pas, des forces armées d'Haïti, il était de passage ici à Gonaïve. Et quand il est monté dans la caserne, il a vu la missivi en train de parler avec le colonel Grosomme, il a fait sortir le colonel Grosomme. Et le colonel Grosomme est revenu dans la pièce un peu plus tard pour nous dire qu'il ne pouvait pas continuer l'interview, n'est-ce pas, les informations qu'il donnait à la missivi. On a demandé pourquoi. Il n'a pas répondu, mais enfin, il était clair qu'il y avait un lien entre la visite du colonel Valmont et le refus soudain de M. Grosomme de poursuivre la conversation avec la missivi. On n'a pas été étonné, parce que nous savions que en octobre 1993, quelques jours après l'assassinat du ministre de la Justice Guy Malari, la décision a été prise d'évacuer les membres de la mission, n'est-ce pas, pour des raisons sécuritaires. Et quand la mission était rentrée en Haïti en janvier 1994, les militaires ont refusé d'accepter, n'est-ce pas, que nous devions être sur place. Alors, ils avaient passé des ordres partout qu'il ne fallait pas accepter de contact avec les membres de la missivi. Par exemple, dans beaucoup de villes où, par le passé, on pouvait visiter, par exemple, les centres de détention, n'est-ce pas, on nous défendait, n'est-ce pas, de voir les personnes qui se trouvaient en détention. On nous dit qu'on avait des ordres, n'est-ce pas, et on suivait les ordres. Donc, comme je dis, on n'a pas été surpris par le fait que le colonel Valmont a peut-être donné des instructions, n'est-ce pas, au colonel Grosomme de couper cette conversation avec la missivi. Comme les choses se font souvent dans la vie, la missivie avait une deuxième équipe qui se trouvait au Boigne, en train d'essayer d'avoir des informations sur le même genre de situation. Les militaires qui disent qu'il y a eu une attaque, riposte des militaires et comme je dis, des personnes blessées, maisons écrasées, personnes en fuite, ainsi de suite. Et quand on est arrivé au Boigne, on est tombé à nouveau sur Afayette.